Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Et nous vous saluons tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Na tukulimisalimia nini wote katika jina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Notre Dieu est merveilleux. Mungu wetu ni wa damani. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous savons que s'il y a quelqu'un qu'on doit honorer, s'il y a un Dieu on doit louer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, quand les gens chantent pour les humains, les créatifs, mais nous nous chantons pour les créateurs. Lakini sie tunaimba njoo mumbaji. Amen. Amen. Et nous mettons-nous debout pour lire la parole. Na, tupate kusimama njoo kusoma neno la Mungu. Marc chapitre 10. Marko sura 10 verset 17 à 22. Mstari wa 17 kufika 22. Marc chapitre 10. Marco sura ya 10. Nous commençons au verset 17. Tunaanza kumstari 17. Jusqu'au verset 22. Tenda kufika mstari 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Comme Jésus se mettait en chemin. Na wakati Yesu alikuwa munjia. Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Mtu mmoja akakimbia na kujitupa kwa magoti kwa miguu yake. Bon maître, lui demanda-t-il. Mwalimu mwema aka que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Qui ne dira point de faux témoignages? Qui ne fera tort à personne? Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, le m'a et lui dit, il te manque une chose. Unakosewa kitu moja kwako. Va, vends tout ce que tu as. Uende na uzije vyote unavyo. Donne-les aux pauvres. Uyapatie wa maskini. Et tu auras un trésor dans le ciel. Na utakuwa na hazina mbingu. Puis viens et suis-moi. Kisha kuja na unifate. Mais affligé à cette parole. Lakini mwenye kugua njoo ile neno. Cet homme s'en alla tout triste. Huyu mtu akaenda wa kuzunika sana. Car il avait des grands biens. Kwani alikuwa na mali mingi. Que Dieu bénisse ta parole. Mungu abariki neno. Nous puissions nous asseoir. Tunawezi kuikala. Nous continuons avec notre sujet. Tunaendelea na shina yetu. Il te manque une chose. Unakosewa kitu moja kwako. Il te manque une chose. Unakukosa kitu moja. Comme on avait dit hier. Sabi tunawezi kusema jana. Ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Hapa ni Bwana Yesu anasema. Avec ce jeune homme riche. Na kijana mtajiri. Ce jour-là. Ile siku. C'était le jeune homme riche devant le Seigneur. Ilikuwa ni kijana mtajiri mbele ya Bwana. Et aujourd'hui. Na leo hii. C'est toi et moi devant le Seigneur. Oui, na mie mbele ya Bwana. Et Dieu ne change jamais sa façon de faire. Na Mungu ashibadilishaki kamwe namna ya kutenda. Si tu viens aujourd'hui, s'il vient aujourd'hui. Kama kikuja leo. Frère Branham a dit. Frère Branham anasema. Il ne s'agit pas toujours de l'argent ou des maisons ou quoi que ce soit. Aina kila mara mambo ya manyumba, mais tu peux aussi être riche. Unawezi kwa vile vile mtajiri. En adilité. Mubusharati. Tu peux aussi être riche. Unawezi kwa vile vile mtajiri. En matière de coquerie. Mumamba kuibiana. Tu peux aussi être riche. Unawezi kwa mtajiri. En idolâtrie. Mkuabudu kwa sanamu. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, sasa leo hii, Jésus nous dit, Yesu anatuonesha, va, wende, abandonne toutes ces choses, waache bile bitu vyote, laissez ça pour les gens du monde, acha bile bitu bata dunia, oui, viens et suis-moi, kisha kuja na unifate. Donc aujourd'hui, c'est notre coup. Ni kusema leo hii ni wakati Yesu. Frère Branham a dit, Branham anasema, dans la prédication, viens et suis-moi. Mahubiri kuja na unifate. Paragraphe 37. Nukta makumi tatu na saba. Non, c'est 36. Apana, makumi tatu na sita. Le Seigneur Jésus. Bwana anasema. Il avait dit à ce jeune homme. Alisema na ule kiana. Viens, suis-moi. Na unifate. Il a voulu faire de lui un gagneur des âmes. Mais il a refusé. Maintenant, quand il est arrivé au séjour des morts, Abraham a dit, il a voulu commencer à évangéliser. Mais c'était déjà trop tard. Comment? Il dit, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, afin qu'il puisse les attester ces choses, pour qu'il ne puisse pas venir ici, parce que moi je souffre ici. C'est une bonne idée. Mais c'est ce qu'il a fallu faire quand Jésus l'avait appelé. Alléluia. Amen. Mais il avait vanté. La kinalikosaka. Même s'il fallait se plaindre, il devait se plaindre. C'était déjà trop tard. Amen. Amen. C'est pourquoi ne courez pas le risque d'être comme ces jeunes hommes. Nous lisons le frère Franck. Vous aimez le frère Franck? Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je l'aime beaucoup. Dans la lettre circulaire numéro 54. Donc 2003, numéro 54. 2003, namba makumi tano na ine. Nous sommes juste à la page 12. Kartasi ya kumi na mbili. Juste au début. Kule kumwanjo tu kartasi. Mais si la préparation de la grande tragédie lakini kama matayarisho ya mateso mambo mbaya mkubwa qui aura lieu après l'enlèvement de l'épouse ile itafikaka kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi est déjà pleinement en cours ilisha kabisa kabisa kwanja. Combien proche doit être l'enlèvement de l'église marangapi kunyanyuliwa kwa kanisa kunakuwa karibu. C'est pourquoi ndio kwa maana notre préparation doit être le commandement de l'heure. Afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver. Et cela devrait être notre souhait et notre prière. Lorsque nous observons tout ce qui se passe maintenant en Europe, en Israël, et dans le monde entier, on peut sans cesse dire et répéter, en gardant l'œil sur l'accomplissement des prophéties bibliques, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Leo hii andiko imetimizwa mbele ya macho yetu. Parmi le vrai croyant biblique, katikati ya waaminifu wa kweli wa Biblia, qui ont véritablement reconnu le temps et l'heure, watu wale walitambua wakati na saa, l'écrit Maranatha, ile lalamiko ya kusema Maranatha, viens bientôt, iko na kuja sasa hivi, devrait retentir toujours plus fort, ilipasha kusikilika kila mara kwa nguvu kabisa. Amen. Amen. Ça c'est une avertissement. Hii ni ukalamusho. Comme les pasteurs viennent dire. Bile pastori anatoka mkusema. Ce message d'avertissement. Ujumbe ni ujumbe ya ukalamusho. La grande tragédie. Mateso mkubwa. Qui surviendra sur la terre. Ile tafika hapa dunia hapa. Après l'enlèvement. Kisha kunyanyuliwa. Donc, tous les préparatifs sont en cours. Ni kusema matayarisho yote ishaanzishwa. Il ne reste plus rien. Akubakia tena kitu. C'est pas ce que dit. Du frère Gansema. Tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le temps de la fin, wale wote wenye kuwa na kazi fulani ya kutimiza mwi wakati ya mwisho, ils montent déjà sur la scène mondiale. Beko naingia sasa mkiwanja tu kufanya kazi ulimwengu mbele ya ulimwengu wote mzima. Alléluia. Amen. Donc le temps est terminé. Nikusema wakati ishamalizika. Ce n'est plus le temps de blague. Haina wakati tena michezo. La négligence Kusula, aux choses de Dieu. Bintu bya Mungu. Attention mes frères. Usopoke banduku yangu. Donc nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ni kusema tunapasha kutumikia neno la Mungu. Amen. Amen. Nous lisons dans la prédication, qu'entends-tu Élie? Qu'entends-tu, Élie? Paragraphe 52. Oh, combien nous avons besoin dans ce voyage où nous sommes en train de prendre. Marangapi, tuko lazima tena mui safari tunafia kufanya. De trouver un lieu de repos. Ya kupata kufazi ya mapumziko. Pour nous régaler de la parole de Dieu. Njua kufraikia na neno la Mungu. Afin qu'elle nous fortifie. Ili neno la Mungu ipate kutukankamisha. Nuit après nuit. Busiku na busiku bwingine. Que cette parole puisse nous fortifier il dans ce mou, voyage. Nuit après nuit. Il a aussi coup, na aussi coup, car il y a un grand voyage et une grande bataille devant pour l'Église. Il dit, je crois que nous sommes restés des enfants assez longtemps. Dieu va maintenant faire passer son église à l'état d'adulte. Et nous avons joué et nous nous sommes amusés comme devant des enfants. Pendant longtemps. Mais maintenant, il nous faudra abandonner ces choses enfantines pour agir en adulte. Des gens qui ont atteint la maturité. Amen. Amen. Je crois que c'était Paul qui a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Parce qu'il pensait comme un enfant. Mais il est temps que nous commencions à réfléchir maintenant comme des hommes et des femmes, car nous devons passer aux choses sérieuses. Amen. Bien aimé frère et sœur. L'église, kanisa, c'est comme l'école. Vous commencez en première année, vous montez en deuxième, en troisième, en quatrième, ainsi de suite. C'est la même chose aussi dans la foi. Nous devons grandir. Amen. Amen. Jésus-Christ ne viendra pas enlever les petits enfants. Non. Apana. Jésus-Christ vient enlever les adultes. Les gens qui ont atteint la maturité. Les gens qui s'occupent maintenant des affaires de notre Père. Donc nous devons grandir dans la foi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous lisons les prophètes. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Mazawadi ya Mungu inapataka kila mara fazi yayo. Paragraphe 77. Nukta makumi saba na saba. Comment les gens peuvent-ils rejeter cela? Je, batu wanawezi kutupa ile. Lorsqu'on est confronté à ces questions. Wakati tunakuwa mbele ya ima ulizo. Première question. Ulizo ya kwanja. Que faisons-nous ici? Apa, tuko nafanya nini? D'où sommes-nous venus? Ni wapi tunatokea? Ou qu'est-ce qui justifie notre présence ici? Wala ni nini, sababu gani nyewe tuko hapa? Nous n'avons pas été placés ici. Hatukuwekwa hapa hifadhi. Simplement par hasard. Dutu kwa kubahatisha. Nous avons été placés ici dans un vide. Tuliwekwa hapa hifadhi na kifukuzio moja. Et nous devons accomplir ce but. Na tunapaswa kutimiza kile kifukuzio. Amen. Amen. Amen. Amen. Hier on avait lu. Jana tulisoma. Dans la statue parfaite de nom. Mukimo kamilifu ya mutu. Mukimo ya mutu mukamilifu. L'église est censée maintenant prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Kanisa inalazimisha sasa kubeba fazi ya Yesu Kristo. Pourquoi? Juu ya nini? Pour continuer son ministère. Juu ya kuendelesha huduma yake. Nous ne sommes pas placés ici par un hasard. Ah, tu pratiques n'est pas une phase quoi, donc chacun de nous doit comprendre. Nous sommes Si je suis ici, c'est pour un but. Et nous devons l'accomplir. C'est pourquoi, dans le royaume de Dieu, dans le glu du Dieu vivant, il n'y a pas de paresse. Amen. Amen. Amen. Amen. Il n'y a pas de petits enfants. On était des petits enfants. Mais maintenant, nous devons grandir. Parce que, à bientôt, l'enlèvement sera là. Bien aimé, comme j'avais dit, il y a eu une première prédication. Amen. Amen. Amen. Amen. Il y aura encore une dernière prédication. On ne restera pas là chaque fois pour prêcher. Prêcher, prêcher, prêcher, non. Et on ne sera pas ici chaque fois, on vient, on sort. On... Non. Il y aura un jour. On viendra ici pour la dernière fois. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut grandir. C'est pourquoi examinez-vous pour voir si tu as encore un manquement. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. La première prédication, c'était à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui avait donné le premier sermon. Dans ce temps de la fin, il y aura encore une dernière prédication. Je ne sais pas. Ça va se passer ici. À Likasi. À Lubumbashi. À Kinshasa. À Mwanda. En Angola. Au Congo Brazza. Mais est-il qu'il y aura une dernière prédication? Cela n'a pas quand le dernier Élie va entendre ce message, il dit ce message c'est la vérité. Aujourd'hui moi je dois être baptisé. Quand on ira le baptiser, ma sœur, fini la prédication. Fini la prédication. Et si tu n'as pas encore baptisé du Saint-Esprit, et si tu n'as pas encore la chose, tu viendras ici, tu ne trouveras personne. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Il n'y aura pas de solution. S'il faut pleurer, pleurer aujourd'hui. Jésus va entendre, il viendra te secourir. Mais après l'enlèvement, tu pourras pleurer ou rouler sur la terre. C'est ta veille. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous venons ici, nous devons être conscients. Je vais dans la présence de Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, on ne vient pas n'importe comment. La Bible dit, Dieu est saint. Et que celui qui doit l'adorer doit être saint. Amen. Amen. Il doit être saint. Dieu ne traite pas avec des impudiques, non. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, Baba, sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes sanctifiés par cette parole. Amen. Amen. Un chrétien, Christu, c'est quelqu'un avec beaucoup de qualités. Mutu, mwenye kwa na hali ya mzuri ya mingi. Un chrétien, Christu, c'est quelqu'un, mutu, quand il passe, pita, même les animaux, ata banyama, même les arbres, miti, reconnaît que ça c'est mon chien. Il a tambua, uyu, ni pourquoi? Nini? En lui y a la présence du Seigneur. Dani yake muko wepo wa Bwana. Amen. Amen. Un chrétien, Christu, c'est une portion d'écriture qui s'accomplit. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jésus est venu selon les écritures. Yesu Christu alikuwa kufatana na mandiko. Jean-Baptiste est venu selon les Écritures. Yohann baptisé alikuwa kufuatana na andiko. Et les chrétiens. Na wakristu. Sont venus comme selon les Écritures. Banakuwa na boku kufuatana na andiko. Je vais vous donner un exemple. Nitampatia mfano moja. Joël 2. Joël sura 28. Makumbila munani. C'était une prophétie. Ilikuwa ni unabi. En ces jours-là, je répandais de mon esprit sur toutes les chairs. Le jeune Jean aura des visions. Le vieillard prophétise. Alléluia. Amen. C'était une prophétie. Il quoi que plus de beaucoup d'années qui sont passées et le jour de la Pentecôte. Nous lisons dans Actes. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous commençons au verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Vous voyez? Joël 2, 28, ces jours-là, ça s'est accompli noir sur blanc. Joël sur la pile, makumbila munani, les timilika les siku, wazi wazi. Donc là où ils étaient, il devait dire, c'est écriture. Il indique, Joël 2, 28, sur la pile, mustara makumbila munani, ça nous concerne. Il est angalia siti. Amen. Amen. Amen. Amen. C'était la manifestation. C'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Sasa, nous lisons Actes 2, 28. Nous commençons 37. Pardon, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les pardons de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Suivez maintenant. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont à Cambo. Amen. Amen. La promesse est pour vous, Malako, nienu, pour vos enfants, yenu, et tous ceux qui sont au loin, y compris vous ici. Mwe, amen. Amen. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Sasa, leo, y, cette écriture est accomplie. Yandiko, maintenant, chacun de vous Sasa, wetu, doit dire anapasha kusema, cette écriture. Yandiko, cette écriture. Yandiko, ça s'accomplit au travers de ma vie. Iko la timilika kupitia maisha yangu. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Jo, bu Christu. C'est ça. Jo. Le véritable christianisme. Christu wa kweli. Adorer Dieu en esprit kwa, et en vérité. Kuabudu Mungu katika roho na ukweli. Amen. Amen. Donc un chrétien. Nikusema mu Christu. C'est une portion de l'écriture qui s'accomplit. Nisehemu ya andiko ile iko la timilika. À ce moment-là, Dieu est en vous. C'est aussi une écriture. Je m'en vais. Je reviendrai. Je serai avec vous. Et même dans vous. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc chacun de nous doit arriver à expérimenter cette écriture. C'est pourquoi Paul devait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Nous lisons encore les prophètes. Prenons la prédication. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Et si Dieu est identifié par ses caractéristiques, les chrétiens doivent aussi être identifiés par leurs caractéristiques. Amen. Amen. Paragraphe 73. Sommes-nous identifiés à la parole de Dieu comme étant une promesse? Amen. Amen. Sommes-nous identifiés à la parole de Dieu comme étant une promesse? Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien, c'est une portion d'écriture qui s'accomplit. Et chaque chrétien doit s'identifier à cette écriture. Il indique. Alléluia. Amen. Nous lisons encore le frère Franck. Tu connais ce matin, Andiko Franck? Dans la même lettre circulaire, numéro 54. Nous sommes à la page 3, la dernière partie. L'Église est représentée par une femme. Parce que la divine semence de la parole a été placée en elle. De même que la semence promise a été placée dans le sein de Marie et que le Fils est né. Ainsi, la parole de la promesse est placée maintenant dans l'Église. Afin que le Fils mâle puisse être manifesté. Amen. Amen. Vous voyez que et le frère Franck et le prophète, ils vont de pair. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. La parole promise de Dieu est placée maintenant dans l'Église. Une vierge concevra. Je vous donnerai les signes. Un enfant nous est né. On l'appelle admirable. Conseiller. Dieu puissant. C'était une prophétie. Et c'était accompli au travers de la Vierge Marie. Amen. Amen. Maintenant, de la même manière, aujourd'hui, la parole promise de Dieu est placée dans le Glise. Afin que le Fils mâle puisse être manifesté. Ce que nous devons savoir, frère Branham donne l'exemple d'une femme enceinte. Quand la femme est grosse, il y a des signes, des symptômes. La sœur commence à sentir des nausées. La sœur, la façon de manger change. Pourquoi? La nausée, pourquoi? Parce qu'il y a des choses. Quand elle regarde, non, elle sent la nausée. Moi, je l'ai vécu avec mon épouse. Des choses qu'elle mangeait. Mais maintenant, non, enlève ça. Enlève ça. Je ne veux pas. À toi aussi. Ce n'est pas elle. Mais c'est l'enfant qui est là-dedans. Quand l'enfant n'aime pas ça, la maman va sentir la nausée. C'est la même chose avec un chrétien. Un chrétien ne mange pas de n'importe quoi. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu viens devant un chrétien? Je vous salue Marie. Non. Apana. On ne peut pas digérer cela. Pourquoi? C'est lui qui est en nous. Mwenye kwa ndani yetu. Ne peut pas digérer cela. Et tu vas sentir la nausée. Tu diras que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une femme enceinte. Donc tout doit changer. Et de voir respecter le goût de l'enfant. C'est lui qui donne le goût. C'est pourquoi, quand les gens disent, ah, vous aussi, c'est trop. Vous ne voulez pas boire. Et même toucher, vous ne pouvez pas toucher. Ah, même si on prie, mais ça c'est trop. Ah, mais nous aussi nous prions. Nous aussi nous lisons la Bible. Attention, il y a prié. Il a adoré et adoré. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, la Bible dit, ne touchez pas tout ce qui est impur. On ne peut pas toucher. Amen. Amen. Amen. C'est lui qui est en nous. N'aime pas que nous puissions toucher. Ce n'est pas nous. Mais c'est Jésus-Christ. La parole dit ne touchez pas. C'est pourquoi on ne touche pas. Alléluia. Amen. La femme qui a la grossesse atteint la maturité. Chez nous. Quand une femme est grosse, quand elle marche, on lui donne des salis. Mon machin, mon général. Ce sont des gens. Mais pourquoi? On donne du respect avec une femme. À une femme enceinte. Vous savez que quand vous tapez une femme enceinte, tu peux faire la pression. C'est comme ça. C'est pourquoi n'ayez pas de problème avec un chrétien. La Bible dit ne touchez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand la grossesse et atteint maintenant la maturité, la démarche change. Quand un chrétien reçoit la parole, la marche change. Amen. Amen. Amen. Amen. Quand la femme, la grossesse atteint la maturité, la façon de parler change. Elle ne peut pas beaucoup crier. Pourquoi? Le souffle est divisé. Une partie pour elle, une partie pour l'enfant. C'est pourquoi un chrétien n'est pas là à se chamailler. Non! Alléluia! Amen. Une femme enceinte ne peut pas aller délivrer des bagarres. Non! Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi un chrétien n'est pas là dans les disputes, n'est pas là dans les tiraillements. Non! Il a une charge. Amen! Amen. Donc c'est comme ça. Toutes ces choses, on les voit à l'ennemi. Si on ne la voit pas par à une femme qui est enceinte, on va commencer à dire, oh, mais finalement cette grossesse, mais ça ne va pas. Ayendeke. Ah non, non, non, non. Et vous allez entendre par quoi? Oh, elle a avorté. Oh, c'est passé. Oh, pourquoi? Ça ne remplissait pas les conditions possibles. Alléluia. Amen. Il y a des grossesses, ça peut se développer. Ça peut se développer. Mais à la fin, la femme peut mettre au monde, elle vous met un fantôme. Un petit enfant, il se promène, mais la tête est... Oh! Il y a des enfants, 1 an. 2 ans, 3 ans, elle ne parle même pas. Elle ne sait même pas dire papa. Maman, 5 ans, 6 ans, c'est un fantôme. Attention, on n'a pas besoin de fantômes dans la vie de Dieu vivant. Amen. Amen. Amen. Parce que nous avons reçu la véritable parole qui est la véritable sémence. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la Bible est la chaque semence produit selon son espèce. La parole promise que nous avons reçue, ça va donner naissance à un petit messier. Amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un avec beaucoup de qualités. Il te manque une chose. Attention mes frères. Un chrétien n'est pas touche à tout. Un chrétien ne va pas ça et là. Non. Un chrétien ne mange pas de n'importe quoi. Branham est Dieu. Toi tu dis Amen. Le baptême c'est au nom de Branham. Il y a des églises dans le message qui baptisent au nom de Branham. Il y a des églises dans ce message qu'on prêche Branham est Dieu. Et ils sont là. Les tonnerres sont révélés. Alléluia. Tu mérites de manger ma dîme. Il quitte là-bas. Il vient juste ici. Tu mérites de manger ma dîme. Non. Cette grossesse-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il te manque une chose. Amen. Amen. Il y a des églises genoux là-bas. Arc-en-ciel. Toujours dans les messages, arc-en-ciel. Et là-bas, quand ils sont dans l'église, la prédication, pas plus de 20 minutes. Hein? Quand ils vont commencer à chanter, tu appelles les instruments, et ils font descendre l'ange. Akiti, Azawana, Yego, et c'est le désordre. Non, cette grossesse, il y a un seul papa. Alléluia. Amen. Chaque semence se produira selon ton espèce. Non, il te manque une chose. Si Branham vient en regardant toutes ces choses, il va regretter. Il va regretter. Les gens sont allés loin de la vérité. Amen. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Il faut prier beaucoup pour les hommes de Dieu. Il vous prêche la vérité. Frère, aujourd'hui, Léo, les gens sont allés loin de la vérité. Ils ont des citations. On va te lire. Il y a des citations. On va te lire. Noir sur blanc. Les prophètes. Nabi. Ah, maintenant, nous sommes sauvés par le sang fraîche de Branham. Le sang fraîche de l'homme de Kentucky. Le sang de Jésus a séché. Maintenant, c'est le sang de l'homme de Kentucky. Dieu de mai, nous n'adorons pas l'homme de Kentucky. Alléluia. Amen. Nous adorons l'homme de Galilée. Amen. Je regrette que Dieu fasse grâce pour tous ces gens. Le sang de Christ, le sang de Jésus a séché. Le sang de Branham. C'est-à-dire que quand il a connu l'accident, ce sang-là qui était versé, donc c'est ce qui ont sauvé. Les gens ont c'est quoi ça? Et les gens sont là, Amen. Amen. Pitié. Il vous manque une chose. Nous lisons dans Corinthiens, livre de correction. Corinthiens, livre de correction. Nous sommes au paragraphe 41. Ceci, le christianisme n'est pas du tout pour les petits-enfants. Vous voyez? Le christianisme, ce n'est pas pour les petits-enfants. C'est absolument très profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un petit quelque chose. C'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élu. Dieu vous a élu en Christ et vous a présenté à Christ comme une offrande d'amour. Amen. Jésus disait, personne ne peut venir à moi. Si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus ici de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous a attirés. Pour nous amener ici. Amen. Amen. Dieu vous a élu en Christ pour vous présenter devant Christ comme une offrande d'amour. Alors, Sasa. Le Père ne peut pas prendre quelque chose qui est fouillé Baba, pour aller offrir à son fils. Non. Amen. Amen. La Bible dit, bien, la Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a mené quelque chose devant. Alléluia. Amen. Et Paul le dit. Paul lisons ça. Puis Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous prenons le verset premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Alléluia. Amen. Nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Et on n'amène pas quelque chose de bizarre devant Dieu. Même dans l'Ancien Testament, quand ils donnaient les sacrifices, quand ils les offraient, ils ne doivent pas aller prendre une bête chez Tiffany. On doit amener devant quelque chose qui est beau. Bon. Amen. Amen. Et nous étant le sacrifice vivant, sadaka nous devons nous offrir devant Christ pour que Dieu puisse agréer l'offrande, le sacrifice. Amen. Amen. C'est comme ça, mon frère. C'est ça le culte raisonnable. Bien-aimé, si Jésus vient aujourd'hui, il va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand il va regarder la façon dont les gens adorent aujourd'hui, il dira toujours, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Et quand il va regarder dans le message de tendresse, il dira, il te manque une chose. Amen. Amen. Soyez un véritable chrétien. Un croyant biblique. C'est pas le chrétien dénominationnel qui confirme le christianisme par des mouchoirs de tête avec des cartes de membres. Non. Cette chose n'a pas de place dans la Bible. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est de l'idolâtrie jusqu'à la moelle. Personne ne sera sauvé à cause d'une carte de membre. Amen. Amen. Ce sont des histoires qui ont fait que Martin Luther puisse quitter l'église catholique. Quand le pape vendait des indulgences, c'est ce qui a fait que Martin Luther puisse revendiquer les cartes des membres. Ce n'est rien d'autre que des indulgences. Parce qu'on vous dit, préparez votre chemin pour aller au ciel. N'ayez pas de dettes. Non. On ne peut pas avoir de dette avec Dieu, non. Jésus qui t'a payé au double de nos péchés. Il a dit, vous avez reçu offelé, donnez aussi offelé. La vie éternelle, on ne l'achète pas. Pour que tu puisses aller dire là-bas, non, si moi je suis sauvé, parce que j'avais donné mon argent, non. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Celui qui a souffert à la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, examinons-nous. Pour terminer, nous allons lire encore le frère Franck. Nous sommes à la lettre circulaire numéro 2009, à la page 10. Non, c'est page 9. Nous sommes juste vers la fin, au milieu, pardon, au milieu. Il serait conseillé à chaque croyant de se référer à 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 10. Donc chaque chrétien va se référer à ce portion d'écriture. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 10. Là où on est dit, les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les adultères, les impudiques. Pourquoi? Pour une évaluation biblique de sa vie. Et pour déterminer s'il y a encore un certain manquement qui pourrait l'exclure du royaume de Dieu. Donc chacun de nous va faire un inventaire pour voir si dans votre vie il y a encore des manquements qui pourrait faire que tu sois exclu. Amen. Amen. Que chacun puisse s'examiner. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen. Amen. On s'arrête là, on va continuer demain.